on my skin, and all the greatest loves end in violence. It's tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to forget your love. Keep reminding me, oh, to forget your love. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me, so I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard, I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Je ne m'en lasserai jamais de ce tube, je crois, tellement je le kiffe. Caigo, Miguel, Remind Me To Forget sur Espace en Normandie et en Picardie. Alors rapidement, rendez-vous dimanche de 14h à 18h au Parc des Loisirs de l'Eripos pour la fête des sports extrêmes. On vous y attend nombreux. Ça y est, 5h58, le pré-morning, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors on se quitte maintenant avec un tube souvenir, c'est Umberto Tozzi avec Tout. À 6h, ce sera Cédric et son Morning Light jusqu'à 9h. Et puis attention, moi je vous retrouve tout à l'heure à 9h sur Espace Normandie Ouest. Et puis cet après-midi, entre 14h et 17h, je serai là en remplacement de Max. Alors soyez au rendez-vous. Et puis bien sûr demain, 4h, 6h pour un nouveau pré-morning. Je vous embrasse, passez une belle journée. Bon courage au 3e pour les révisions du brevet. Et puis soyez prudents sur la route. Allez, plein de bisous et à tout à l'heure, 9h ou 14h. Ciao les amis. qui commence avec un petit déjeuner offert par Solène. Quelle est gentille. En Normandie, en Picardie, 6h, bon réveil. L'essentiel de l'actualité. Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. 10 personnes liées à l'ultra-droite ont été arrêtées dans divers lieux de France ce week-end. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé des attaques contre des musulmans. La circulation dans le tunnel sous la Manche reliant la France et la Grande-Bretagne a repris hier en début d'après-midi après une panne électrique qui avait conduit donc à l'interruption totale du trafic dans les deux sens pendant plusieurs heures. La première étape de sa tournée au Proche-Orient, le prince William est arrivé hier en Jordanie, première étape d'une visite historique dans cette région du monde avant de rejoindre Israël et la Palestine. Le gouvernement prépare un décret pour rendre obligatoire l'installation d'un ascenseur dans les immeubles d'habitation neufs de 3 étages ou plus, contre 4 actuellement. Cette mesure permettra de doubler le nombre de logements neufs supplémentaires réellement donc accessibles. Les salariés de BuzzFeed France ont annoncé qu'ils débuteraient une grève donc ce lundi pour protester contre la décision de fermeture définitive du site le 20 juillet prochain, après 4 ans d'activité, dénonçant la brutalité des licenciements. Ils réclament le droit d'être informé loyalement des véritables motifs à l'origine du projet de fermeture, des mesures d'accompagnement dignes et l'indemnisation du préjudice résultant de la perte précipitée de leur emploi. Créé en 2006, BuzzFeed est devenu un acteur important parmi les médias en ligne grâce à des contenus viraux ainsi qu'à sa capacité à générer du trafic via les réseaux sociaux. Bye bye la Pologne, surclassée par la Colombie. L'équipe de Robert Lewandowski fait ses valises après 2 rencontres donc au Mondial de football. À retenir également de la journée d'hier, le carton de l'Angleterre face au Panama, le score 6-1. À suivre aujourd'hui Uruguay-Russie, c'est à 16h, même heure pour Arabie Saoudite-Égypte. Pour suivre Espagne-Maroc, rendez-vous à 20h, même heure d'ailleurs pour Iran-Portugal. Et puis le français Romain Dumas a battu hier le record de son compatriote Sébastien Loeb en bouclant la mythique course de côte de Pike Peak dans le Colorado en 7 minutes 57 secondes. Et cet exploit, car c'en est un, a été réalisé au volant d'un prototype Volkswagen 100% électrique. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h09. Le repos du week-end est passé, maintenant c'est l'action de la semaine qui va débuter. Morning Light. Et de l'action, il va y en avoir cette semaine, avec tout d'abord ce matin, 6h25, 7h25, 8h25, coup de fil. Direction la kermesse du Val d'Azé de Beauvois de ce samedi. Vous saurez tout sur l'organisation et les animations organisées. À 7h40, le pile ou face de l'info avec Solène ou Alexandre, et un des départements normands ou Picard choisi au hasard à travers une pièce de monnaie. À 7h50 et 8h40, la route bien sûr avec Solène Duloup. Elle a les yeux partout sur les routes normandes et picardes. À 8h08, la pensée positive. À 8h20, l'actu originale de Johanna qui revient de son week-end, donc, de musique plein les oreilles et qui sera en pleine forme quand même, on l'espère. À 7h55 cette semaine, on parle de Tony Wart. C'est un auteur normand, plutôt science-fiction. Il a sorti un bouquin et on vous l'offre toute la semaine à 7h55. Et en fin de semaine, on fera une petite interview de celui-ci. Bassada pour attaquer. Don't listen if they say you're out of place. Don't be afraid to make a few mistakes. There's always gonna be another way. We're all just on a spinning rock in space. Losing myself tonight, leaving the day behind. I'm broke but I don't mind. It's alright. Working a 9 to 5, I've only got one life. So I hate to waste any time. All about the goodbyes. Any time.

Samedi 14 juillet, l'heure est à la grande boucle. Info sur heurenligne.fr. Serge, cesse de te prélasser sur ce sofa et suis-moi maintenant essayer le confort sensationnel de Citroën C4 Space Tourer. Maintenant ? Oui, car ce sont les jours C'est maintenant chez Citroën et c'est maintenant qu'il y a des reprises sans précédent. Eh bien, je te suis. Pendant les jours C'est maintenant, profitez de 6000 euros de reprise sur Citroën C4 Space Tourer, équipé de 15 aides à la conduite. Citroën. Saga Citroën à Gisors, 156 rue de la Libération ou à Gournay-en-Bray, 100 avenue du Général Leclerc. Une équipe de professionnels à votre écoute toute l'année. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 juin sous conditions de reprise. Détails sur citroën.fr. La cascade insolite au Vaudreuil, votre restaurant hors du temps. Chaleur humaine, sourire, cuisine gastronomique et créative. Nous vous accueillons dans un lieu atypique où le plaisir des sens est au cœur de votre expérience gustative. Découvrez notre carte, agrémentée de menus uniques et raffinés. La cascade insolite, 19 Place du Général de Gaulle au Vaudreuil. Ouvert du mardi au dimanche inclus. 02 32 25 97 41. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Monsieur Récup, transport, déménagement, débarras dans toute la Normandie. Devis gratuit. 06 20 10 11 64. www.monsieurrécup.fr. Retour des meilleurs tubes. Dans quelques secondes. Sur Espace. Besoin d'aide ? Va sur GED, le premier réseau d'échange ponctuel de savoir-faire entre citoyens. Le seul annuaire numérique sécurisé et évalué par les utilisateurs. Cliquez sur www.ged-world.org. Ensemble, rentabilisons notre temps. Maintenant. Espace Vallée de Landel, 106.4. Espace Radio. Priorité au tube. Camaleón, tu que quieres, loca? Suéltame, nena. Yo no quiero saber nada contigo. Toma. No, no, no, no, no. Aquí el gama. No, no, no, no, no. Y que conmigo no puede. Te viene con su rollo. Seducirte saca las curvas que te enamoran. No te desviste porque te lleva hasta el engaño. Déjame, nena. Así que ya sabes. Hey. Suéltame, despégate. No vulgamos prohibir. Suéltame, despégate. No vulgamos prohibir. Suéltame. No, no, no, no, no. Guapita no soy el tu hombre. No digas por qué. No puedo ni saber el color. Y no me va tampoco. Cuanta mi nena que te mereces. No, no, no, no, no. Guapita no seré el tu hombre. Tampoco aquel que te consuela cada vez que lloras. Así que ya sabes. Hey. Suéltame, despégate. No vulgamos prohibir. Suéltame, despégate. No vulgamos prohibir. No, no lo quiero, nena. No, no, no, no, no. Guapita no soy el tu hombre. Así, así. No digas por qué. No puedo ni saber el color. Sur Espace en Normandie, en Picardie, c'est ce week-end le festival Rock in Évreux. Bravo à vous si vous avez gagné vos places la semaine dernière. Il est 6h15, arrive Sound of Legend ce matin. La plus normande des radios, les titres de l'info. Bonjour à tous. Un homme de 22 ans a été victime d'une agression samedi en début d'après-midi à Saint-Marcel, près de Vernon. Il avait rendez-vous pour acheter un des derniers modèles de smartphone vu sur un site de vente en ligne, mais l'appareil n'aurait pas été conforme à l'annonce. L'acheteur aura alors reçu un coup de couteau dans chaque cuisse. L'artère fémorale a été touchée, provoquant une hémorragie. La victime a été évacuée vers l'hôpital de Melun par les secours dans un état jugé grave. L'auteur présumé a pris la fuite et est toujours recherché. L'agression a été qualifiée de tentative de meurtre par le parquet d'Évreux. Depuis vendredi et jusqu'à mercredi prochain, une délégation hébroïcienne a pris ses quartiers à Kachira, à 120 km au sud de Moscou, en Russie. La coopération entre les deux villes permet de partager des savoir-faire et des expériences, notamment en matière de traitement des ordures. Accompagnée de ses adjointes, de deux directeurs de service et de 14 jeunes footballeurs de l'EFC 27, Guy Lefranc, le maire et son épouse, entend redonner un coup de fouet à ce jumelage. Par ailleurs, les jeunes hébroïciens assisteront à un match de foot du Mondial. Suite de l'information dans moins d'un quart d'heure dans l'édition complète de l'actualité régionale. Espace Radio. Loin de la peine.

compétences et vos capacités ont une valeur d'argent et vous êtes capable d'en obtenir un prix nettement plus élevé. Lyon, vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, mais vous pourrez compter sur la fidélité et la constance d'une amitié sincère et désintéressée. Vierge, vous retrouvez le grand moral. Un nouvel élément illumine votre vie. Vous allez vous sortir avec brio d'une situation compliquée. Balance, vous saurez facilement formuler votre opinion personnelle sur un sujet épineux. Votre entourage vous saura gré de votre compréhension. Scorpion, vous aurez une agréable surprise. Tentez votre chance car une de vos connaissances proches semble changer d'attitude avec vous. Sagittaire, vous ne savez pas vous décider dans un projet financier qui risque de coûter cher. La prudence étant recommandée avant de faire le grand saut. Capricorne, lorsque des problèmes commencent à vous harceler, c'est le moment de faire une pause. Oubliez tout et amusez-vous aujourd'hui. Verseau, vous n'aurez pas d'inquiétude à avoir suite à une proposition que l'on va vous faire. Vous allez une fois encore réussir votre coup. Poisson, ne vous laissez pas embrouiller par de petits détails sans importance. Tout ira bien car une très belle opportunité se présentera à vous. Bonne journée et rendez-vous demain à la même heure pour votre horoscope. C'était votre horoscope avec votre opticien Open Optique, 11 rue Pierre Corneille aux Andelys, 02 32 51 38 69. Morning Light sur Espace. Cédric vous file le contrôle de la radio. C'est l'événement du jour. Et c'est la période des kermesses. Oui, bien sûr, Espace soutient tout particulièrement celle du Val d'Azay au Beauvois qui aura lieu ce samedi 30 juin. Que va-t-il se passer exactement? Exemple parmi plusieurs, et on appelle l'organisateur, c'est Ludo. Allô. Salut Ludo, Cédric Espace, Normandie Picardie, comment va Ludo? Salut, ça va très bien et toi? Bien, bon Ludo, ce samedi 30 juin, rendez-vous pour la kermesse du Val d'Azay. Donc bien sûr de nombreuses un peu partout en Normandie et en Picardie. Que va-t-il se passer chez vous? Comment ça se passe? Bah, on a plusieurs activités, on a 17 activités qui vont se dérouler dans l'après-midi avec différents jeux. Hein. On va commencer déjà le matin à 8h du matin avec les bénévoles, les parents d'élèves et moi-même et puis d'autres personnes. Donc à partir de 8h, on va être au Crapat, au Beauvois, on va être au taquet jusqu'à 11h30. À 11h30, il y a une restauration sur place qui est gérée par le comité des fêtes en jumelage avec nous, avec la kermesse d'école. Et à partir de 14h, bah, c'est place à la kermesse pour les enfants jusqu'à 18h. Très bien, tout le monde est le bienvenu donc ce samedi 30 juin. Exactement. Pour fêter l'été et aussi la fin d'année pour les plus jeunes. Merci Ludo. Et en plus, avec la présence de Radio Espace qui animera cette activité. Eh ben, c'est la cerise sur le gâteau. Merci. De rien. Salut à toi. Espace. La plus normande des radios. Espace. En mode souvenir. En mode souvenir. But I'm sorry, I don't pray that way. l'actu en Normandie. Bonjour à tous. Un homme de 22 ans a été victime d'une agression samedi en début d'après-midi à Saint-Marcel, près de Vernon. Il avait rendez-vous pour acheter un des derniers modèles de smartphone vu sur un site de vente en ligne, mais l'appareil n'aurait pas été conforme à l'annonce. L'acheteur aura alors reçu un coup de couteau dans chaque cuisse. L'artère fémorale a été touchée, provoquant une hémorragie. La victime a été évacuée vers l'hôpital de Melun par les secours dans un état jugé grave. L'auteur présumé a pris la fuite et est toujours recherché. L'agression a été qualifiée de tentative de meurtre par le parquet d'Evreux. Depuis vendredi et jusqu'à mercredi prochain, une délégation hébroïcienne a pris ses quartiers à Kachira, à 120 km au sud de Moscou, en Russie. La coopération entre les deux villes permet de partager des savoir-faire et des expériences, notamment en matière de traitement des ordures. Accompagnée de ses adjointes, de deux directeurs de service et de 14 jeunes footballeurs de l'EFC 27, Guy Lefranc, le maire et son épouse, entend redonner un coup de fouet à ce jumelage. La Coupe de France de football va également permettre aux jeunes hébroïciens de passer un moment inoubliable demain lors de la rencontre d'Anne marque France à Moscou. On poursuit cette édition avec le reportage d'Éric Blau. S'ouvre aujourd'hui les 3e journées nationales de la macula. Qui connaît cette région de l'œil? Peu de personnes, et c'est bien là le problème. Cette petite zone peut être touchée par différentes pathologies qui peuvent conduire à la cécité. Les explications de Joël Uzan, ophtalmologue armand. La macula, c'est la région centrale de l'œil. Elle est particulièrement importante pour tout ce qui nécessite de la précision dans la vision. La macula peut être touchée par la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, des complications liées au diabète également, ou encore une atteinte touchant les grands myopes. Sans symptômes, lorsqu'elles débutent, ces maladies peuvent entraîner la perte de la vision. Parce que grâce au traitement que l'on a maintenant depuis une dizaine d'années, ces produits qu'on injecte dans les yeux, on a une efficacité majeure. Avant, on était un peu plus contemplatif ou avec des moyens moins efficaces. Maintenant que ces produits existent et qu'ils sont pris en charge intégralement par la sécu, même si leur coût est assez élevé, on arrive à garder, à conserver la vision, à conserver une activité professionnelle et surtout pour les personnes plus âgées à conserver leur autonomie. Ces journées nationales de la macula avec pour slogan « Vous préférez ne pas savoir » visent à inciter au dépistage chez un ophtalmologue cette semaine. Et puis, l'été arrivant, les travaux s'intensifient dans la métropole Rouen-Normandie, perturbant la circulation d'aujourd'hui à dimanche prochain. Durant cette période, ce sont particulièrement les grands axes de la ville qui sont concernés par les travaux. Chantier de la ligne T4 oblige, notamment les boulevards des Belges, de la Marne et de l'Isère. Le nombre de voies est donc réduit sur la plupart des boulevards de la rive droite. Toujours pour la ligne T4, le pont Guillaume le Conquérant reste fermé jusqu'au 26 août prochain. La plupart des grands chantiers métropolitains vont se poursuivre durant l'été. La métropole propose donc un service d'alerte par SMS. En sport automobile en Formule 1, hier, le Bois Guillaumet Pierre Gasly et l'hébroïcien Esteban Ocon ont été contraints à l'abandon après s'être accrochés dès les premiers virages du Grand Prix de France sur le circuit Paul Ricard du Castellet. L'incident entre les deux pilotes partis 11e et 14e sur la grille, ainsi que l'accrochage entre un Finlandais et l'Allemand Sébastien Vettel, a provoqué la neutralisation de la course jusqu'à la fin du 5e tour. Au classement général des pilotes, Pierre Gasly se classe 11e et Esteban Ocon 14e. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. C'est un début de semaine agréable qui se profile sur le département de l'Eure comme l'agglomération rouennaise avec un beau ciel bleu et un grand soleil. Le mercure indique ce matin au minimum 18 degrés au Neubourg et à Bernay, 19 à Évreux, Rugles, Lyons-la-Forêt, 20 degrés à Évreux, Pont-Audemer, Vernon et Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. On se réveille de bonne humeur avec Offenbach et Catchy du côté de Gournay-en-Bray. Il est 6h34 minutes. Bring up soon.

Ed Sheeran, Happier sur Espace en Normandie et en Picardie. Nouvelle exposition à découvrir en ce moment au Musée des Beaux-Arts de Bernay, intitulée Henri de Maistre. C'est à la salle capitulaire du mardi au dimanche de 11h à 18h. On va se cultiver. Résultat sport de votre week-end. Soyez sport. Espace. Sur Espace, soyez sport. Salut à tous, voici vos résultats sportifs du week-end. En baseball, les Huskies de Rouen participaient depuis mercredi dernier à la Coupe d'Europe des champions de Rotterdam aux Pays-Bas. Il s'agit de la compétition la plus prestigieuse sur le vieux continent. En phase de poule, les Rouennais ont remporté 2 matchs sur 3, se hissant en demi-finale. Si les Normands ont fait quasi jeu égal avec la machine de guerre Rotterdam, ils se sont inclinés sur des détails. Lors de la petite finale, Rouen s'est incliné avec les honneurs face aux Italiens de Bologne, 8 à 0. Lors du 21e gala de boxe de Ponto de Mer, vendredi soir, le boxeur local Jonathan Houtin a conservé son titre de champion de France des poids légers. Le roi a dû livrer une véritable bataille pour vaincre Aboubekr Bouchelaguem. Les deux hommes se sont rendus coup pour coup et sont allés au bout d'eux-mêmes. L'Eurolivalois Andrew Francilette a lui décroché la ceinture intercontinentale WBA chez les poids moyens face à Emanuele Della Rosa, ce qui le fait entrer dans le top 10 européen de sa catégorie. Et puis en football, deux équipes féminines sénomarines jouaient pour l'accession à la Division 2 la saison prochaine, les filles du FC Rouen et les filles du HAC. Les deux équipes se sont qualifiées pour le deuxième tour étape ultime avant les barrages. Samedi, pour le match aller en région PACA, les Havraises ont limité les dégâts avec un nul 2 à 2 face aux Niçoises. Hier, les Rouennaises en déplacement ont battu les Orléanaises 2 à 0, prenant l'avantage. Enfin, en sport automobile, en Formule 1, hier, pour le Grand Prix de Montréal, les deux Normands en lice se sont plutôt bien débrouillés sur un circuit au tracé exigeant. Les Bruyciens Esteban Ocon a terminé 9e, le Bois Guillaume et Pierre Gasly a lui terminé 11e. Au classement général des pilotes, le Roy est 13e, le Sénomarin 11e. Voilà, c'est tout pour moi et vos résultats sportifs. Tout de suite, retrouvez toute l'équipe d'Espace avec les sons et les tubes. Espace. Retour des tubes. Écoutez ça. On s'écroise au hasard. C'est fou, il est si tard. Dis-moi, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'es devenu? Sur les bords du canal, ton sourire m'a fait mal. T'es comme l'été dernier, tu ne reviendras plus. Traverser le passé, t'offrir une cigarette et lire dans tes pensées. Si on allait faire la fête, je ne connais pas ton nom, mais je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce que tu fais les 100 prochaines années? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, à le maudit printemps. Voyage sur les bords, le naufrage. Ma vie est un peu creuse. Et toi, es-tu heureuse? Pardonne-moi, j'en dis trop. Je me tairai bientôt. Le reflet de l'histoire me revient en miroir. Traverser le passé, juste pour changer d'air. Si tu n'es pas pressé, prenons un dernier verre. La peine a débordé, on a chacun la sienne. Qu'est-ce que tu fais les quelques heures qui viennent? C'était hier, on prenait les routes à l'envers. C'était hier, on s'aimait tout le temps. C'était l'hiver, on caillait sous le réverbère. C'était l'hiver, traverser le passé, renverse le futur, retenter l'aventure, enfin se laisser traverser, soigner la blessure, je voudrais connaître.

mes titres préférés en ce moment et apparemment vous l'aimez bien aussi. Liam Payne, Rita Ora For You sur Espace en Normandie. Et on Pierre dit merci pour toutes les réactions en ce moment et elles sont nombreuses sur les réseaux sociaux, sur les photos, sur les vidéos. Rappelez-vous que l'on fait tout cela pour vous. Et tout à l'heure, cadeau à 7h55, on va gagner un bouquin d'un auteur normand. La plus normande des radios, les titres de l'info. Bonjour à tous. Un homme de 22 ans a été victime d'une agression samedi en début d'après-midi à Saint-Marcel, près de Vernon. Il avait rendez-vous pour acheter un des derniers modèles de smartphone vu sur un site de vente en ligne, mais l'appareil n'aurait pas été conforme à l'annonce. L'acheteur aura alors reçu un coup de couteau dans chaque cuisse. L'artère fémorale a été touchée, provoquant une hémorragie. La victime a été évacuée vers l'hôpital de Melun par les secours dans un état jugé grave. L'auteur présumé a pris la fuite et est toujours recherché. L'agression a été qualifiée de tentative de meurtre par le parquet d'Evreux. Depuis vendredi et jusqu'à mercredi prochain, une délégation hébroïcienne a pris ses quartiers à Kachira, à 120 km au sud de Moscou, en Russie. La coopération entre les deux villes permet de partager des savoir-faire et des expériences, notamment en matière de traitement des ordures. Accompagnée de ses adjointes, de deux directeurs de service et de 14 jeunes footballeurs de l'EFC 27, Guy Lefranc, le maire et son épouse, entend redonner un coup de fouet à ce jumelage. Par ailleurs, les jeunes hébroïciens assisteront à un match de foot du Mondial. Suite de l'information dans moins d'un quart d'heure dans l'édition complète de l'actualité régionale. Plus de son, plus de tubes. Plus de son, plus de tubes. Espace. Espace. Dorian est en face de moi puisqu'il a fait le pré-morning et il reste après pour le petit-déj. Et donc je pense direct en le voyant au twirling bâton. Bah oui. Gymnase, Aulnay, Gournay, Ambray, le gala, c'est ce samedi soir. On monte le son et on se fait Orelsan avec Tout va bien. Espace. Montez le son, montez le son. Salut à tous pour cette nouvelle chronique actusique en Normandie. On s'intéresse à quatre Rouennais qui réussissent leur impossible pari, la fusion du rock et du rap. Il s'agit du groupe Dourchan, fondé il y a 5 ans et lauréat en 2013 de Talent 276. C'est ce tremplin régional qui leur a permis de jouer à Rouen au 106 et au Printemps de Bourges. Les Normands ont également pu acheter du matériel et après un premier EP, ils ont plutôt choisi d'envoyer de nouveaux titres directement sur le net. 6 en 2 ans et parmi ces titres, Get In Your Shoes, extrait.

bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Faut rien dans le morning, c'est le pile ou face de l'info. Lundi, reprise de la semaine en Normandie et en Picardie, et reprise de votre PFI, votre pile ou face de l'info. Peut-être pile et la Seine-Maritime, le Havre exactement, ou alors peut-être face et l'heure. Là par contre je n'ai pas la ville, on y va, on lance. Ah bah ça tombe bien, on a parlé du Havre, donc on y va, c'est en Seine-Maritime, c'est Alex à Gournay, tu nous entends? Je t'entends Cédric. Que se passe-t-il là-bas au HAC? Alors HAC, comme tu t'en doutes, on va parler foot. Hein, et ouais, voilà, on aime ça. Je sais que t'adores ça. Ouais. En plus, c'est la Coupe du Monde, ça tombe carrément. Bien. La LFP, Ligue de Football Professionnel, vient de sanctionner officiellement l'AC Ajaccio suite aux incidents du dernier match de barrage face au HAC hein, pour l'ascension en Ligue 1. Rappelle-toi, en cause, hein, c'était des envahissements de terrain, des bagarres entre joueurs, des chants racistes entendus en tribune, des jets d'objets sur la pelouse, enfin bref, beaucoup d'événements hein, il y a un mois lors du match donc à l'issue duquel Ajaccio avait battu le Havre au tir au but, des péripéties qui étaient même remontées aux oreilles du Premier ministre havrais, Édouard Philippe, qui s'était dit consterné par les événements. On l'est aussi. Alors, quelles sont les sanctions? Alors, les sanctions sont assez lourdes, hein, exemplaires même, je dirais. Le club écope de 2 matchs à huis clos, dont un délocalisé qui a déjà été purgé, et un retrait de points avec sursis. Le club débutera donc la saison sans public. L'entraîneur Olivier Pantaloni prend 4 matchs, lui, de suspension pour avoir donné des consignes aux joueurs lors de la séance de tir au but, alors qu'il était exclu du terrain. Le joueur corse, Selemani, coupable d'avoir frappé le havrais Jean-Philippe Mateta après son but, est lui suspendu pour 7 matchs. Résultat, ni l'un ni l'autre pourront accéder à la Ligue 1 l'année prochaine. Dur issue quand même pour les Normands. Et oui, mais il faut des sanctions exemplaires, parfois. Tu es sanctionné, tu reviens peut-être demain. De l'info, des bons plans et de la bonne humeur, le Morning Light avec Cédric et toute sa team. Tous les matins, 6h-9h sur Espace. Souffrir, j'essaie de nous retenir. Courir, s'enfuir, je l'ai pas vu venir. Oh non, non, non. Le monde est si haut pour tout jeter à l'eau. Regarde comme la nuit tout devient beau. Le monde est si haut quand le vent devient chaud. Je sais tellement tout ce qu'il nous faut. Regarde-moi, qu'est-ce que tu vois? Moi je vais me battre pour toi et moi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu vois? Moi je ne vais pas. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout de nous. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Oh non, oh oh oh. Mentir, en finir, j'essaye de nous appartenir. Salir, s'abstenir, plutôt mourir. Oh non, non, non.

Maintenant. Espace Vexin, Pays de Bray, 101.3. Priorité au tube. All of somebody in this world. Who's there when we laugh? Who's there when we hurt? But we all lose somebody. Never know when. So we tell them I love you as much as we can. I'm going through memories. All the books you like to read. Small notes you left for me. Feels like you're still here. And I hope you know how much I'm missing you right now. Might I be alright? We were like magnets. Yeah, we were the greatest on this planet. And baby, I know that if you were here, I'd sing just for you for a million years. I'm going through memories, all the books you like to read, small notes you left for me. Feels like you're still here, and I hope you know how much I'm missing you right now. Satellites, Ceasefire X sur Espace en Normandie, en Picardie. Solène, on va parler de coiffure. Est-ce que tu vas souvent chez le coiffeur? J'y vais quand j'ai le temps. Et oui, c'est vrai, oui, même des rendez-vous médicaux et tout, c'est vrai que tu bosses beaucoup. Hein. Y a une coiffeuse à Elbeuf qui a été sacrée meilleure jeune maître d'apprentissage de Normandie. Et oui, j'ai vu ça. Tu la connais? C'est dingue, absolument pas, mais... On la salue. Voilà. La route. Et on commence ce point infotrafic du côté de l'agglomération rouennaise avec pas mal de difficultés enregistrées malgré cette heure encore matinale. Ça commence avec la Sud 3 qui bouchonne au Petit Quevilly jusqu'aux portes de Rouen, l'avenue Jean Rondeau qui est toujours fermée à la circulation et puis des travaux sur les boulevards rive droite qui font que plusieurs voies sont fermées. Ralentissement également au niveau du pont Mathilde et de la place Saint-Paul, notamment lié à un trafic dense en provenance du tunnel de la Grand-Mare. Difficulté également au niveau du boulevard industriel à hauteur du rond-point des Vaches et en passant par la route de Paris au niveau de Saint-Adrien. Sur le réseau autoroutier, on constate des ralentissements au niveau de l'échangeur 20 de Cricq-Boeuf-sur-Seine, principalement en provenance de Pont de l'Arche, bien sûr. Et puis sur le réseau secondaire, ça bouchonne aussi entre Rival et les Essarts, entre Igoville et Pont de l'Arche, et sur Évreux, pas de difficulté pour l'heure. Sans babure, sans coiffure, Solène, à tout à l'heure. Ouais, là j'ai la frange qui a mal. Écoutez, maintenant... Espace en Normandie. Tu me disais que l'on s'aimait, que tous les deux on était liés. Aujourd'hui c'est terminé, tu pourras bien me consoler. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai été béni par la colombe. Je sors enfin de ma tombe. Je ne compte plus les heures passées à me leurrer. Désormais en toi et moi c'est du passé. You and I, and I. C'est I. You and I, and I. C'est I. Forget you. one. Venant se tenter, mais un autre homme. T'inquiète pas, j'en prends note. Je ne compte plus. Sur Espace. Espace. Surfez sur les années 90. Espace 90s. Cette semaine, on parle des talents normands. Tony Wart habite à Saint-Pierre-du-Vauvray. Il vient d'écrire un super bouquin avec pas mal de pages, hein, je vous préviens. C'est assez science-fiction et je vous l'offre maintenant au 0950 35 50 50. Appelez et gagnez. Armand Van Elden avant 8h. On est en forme, ça tombe bien, c'est le cas pour nous, j'espère pour vous aussi. 8h en Normandie, en Picardie, allez, un point sur l'info. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour, bonjour à tous. 40% des cancers seraient évitables. C'est en tous les cas ce qu'affirme le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé et Santé publique France. Le tabac d'abord, puis l'alcool, une mauvaise alimentation et enfin l'obésité sont les quatre facteurs principaux donc en France des 40% de cancers qui seraient évitables selon des chiffres publiés par ces deux autorités de santé. Issues de la mouvance de l'ultra-droite radicale, elles étaient organisées pour projeter rejeté des actions violentes contre des cibles musulmanes. 10 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche lors d'un vaste coup de filet antiterroriste. À noter que ces interpellations ont notamment eu lieu en Gironde, en Charente-Maritime ou encore dans la Vienne. Parmi les interpellés figure le chef de file présumé du réseau, un retraité de la police nationale. Le président Emmanuel Macron reçoit l'Elysée, le chef de la junte militaire thaïlandaise et premier ministre. Ce dernier a déjà été reçu par Theresa May à Londres mercredi dernier, après avoir été invité à la Maison Blanche par Donald Trump dès 2017, tandis que les Européens continuaient de bouder celui qui a été en première ligne du coup d'État. Le général Prayuth comptait sur ses visites en Europe pour soigner son image de politicien respectable à l'approche d'élections sans cesse repoussées et désormais promises pour février 2019. C'est désormais officiel, le président turc Erdogan a obtenu plus de 50% des voix nécessaires lors des élections d'hier, lui permettant ainsi de remporter un nouveau mandat présidentiel. C'est ce qu'indiquent les autorités électorales. Et puis, au Mondial, la Russie et l'Uruguay s'affrontent à 16h, se disputant la première place du groupe A. Dans le même temps et dans le même groupe, l'Arabie Saoudite rencontre l'Égypte. Dans le groupe B, l'Iran est opposé au Portugal à 20h. Et au même moment, l'Espagne rencontre le Maroc. Si le Maroc n'a plus rien à espérer, l'Espagne, le Portugal et l'Iran peuvent encore prétendre à la première place du groupe. Sur la plus normande des radios, Cédric, 6h-9h. Johanna sera là à 8h20. Oui, croyez-moi, l'actu originale est maintenant David Guetta et Sia Flames. Morning Light sur Espace. Sur Espace. Sometimes in life, you find a love that transcends barriers. Then that love is gone,

Bonjour à tous. Un homme de 22 ans a été victime d'une agression samedi en début d'après-midi à Saint-Marcel, près de Vernon. Il avait rendez-vous pour acheter un des derniers modèles de smartphone vu sur un site de vente en ligne, mais l'appareil n'aurait pas été conforme à l'annonce. L'acheteur aura alors reçu un coup de couteau dans chaque cuisse. L'artère fémorale a été touchée, provoquant une hémorragie. La victime a été évacuée vers l'hôpital de Melun par les secours dans un état jugé grave. L'auteur présumé a pris la fuite et est toujours recherché. L'agression a été qualifiée de tentative de meurtre par le parquet d'Évreux. On poursuit cette édition au chapitre santé et mouvement social. Les psychiatres apportent unanimement leur soutien au personnel de l'hôpital psychiatrique Pierre-Jeanet au Havre, en grève depuis le 16 juin dernier. Dans un communiqué, le syndicat des praticiens hospitaliers indique s'associer aux revendications portant sur l'augmentation de 50 postes d'infirmiers et la création de 35 lits supplémentaires. Dans un autre courrier, de médecins interpellent la responsable de l'agence régionale de santé sur le risque d'un incident grave du côté patient et ou des soignants. Suite de l'info dans moins d'un quart d'heure dans l'édition complète de l'actualité régionale, suivi d'un point météo. Écoutez, Espace, la plus normande des radios. Hey guys, it's me. Just hanging out with the girls. Do you know what you're doing for Valentine's Day? I mean, I don't know what I'm doing. Probably nothing. Oh, there's nothing I enjoy more than looking at her every day. She's got something I ain't seen before. Something special that I can't explain. Isn't she gorgeous, gorgeous? What could be more precious, precious? Isn't she gorgeous, gorgeous? What could be more precious, precious? She's got something. Original, c'est Johanna. Lundi 25 juin 2018, l'actu originale, Johanna en direct de chez elle. Salut Jo. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Aujourd'hui, mon Cédric, nous allons parler du futur. Alors ne t'attends pas à une grande annonce, nous allons parler emoji. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des petits personnages qui sont souvent mis dans des SMS ou dans des messages ou même dans des mails. Tout bien sûr est affilié au système, si je puis dire, Internet. C'est dans les claviers de ces machines et ça vous permet de mettre des petits dessins comme des têtes qui sourient, des têtes qui ne sont pas contentes, des petites figurines de chiens, etc., etc.

Enfin, en baseball, en Division 1, hier, les Huskies de Rouen recevaient les Lions de Savigny-sur-Orge et se sont largement imposés. 11-1 dans la première manche, 6-3 dans la seconde. Voilà, c'est tout pour moi et vos résultats sportifs. Tout de suite, retour des tubes. Espace. Retour des tubes. Écoutez ça. C'est celui qui met en forme pour la semaine. On se retrouve demain, 6h-9h, tout à l'heure, aussi 11h-14h, espace Normandie-Ouest. Et vous continuerez à gagner à 7h55 et toute la semaine votre bouquin de Tony Wart, un auteur normand de talent. À demain. Espace. Toutes les années 90 sont sur Espace. Le jour s'est levé sur une étrange idée. Je crois que j'ai rêvé que ce soir je mourrais. Le jour s'est levé plein de perplexité. Si ce n'était pas un rêve qui passe en aller. Comme le jour avançait, en moi je pensais, si ce n'était pas un rêve, j'ai tout à aimer. Quand le jour s'est couché, j'ai réalisé. Ce n'était qu'une trêve dans ma réalité. Nous sommes ici pour croire, rien d'autre à laisser croire. Croire que l'on meurt ce soir, pour qui veut bien voir. Le voile est levé sur ma pauvreté. Qu'ai-je donc à garder qui ne sera soufflé? Oui, le voile est levé. Tout est si collé. Mais pas trop tard. À toi de voir. À toi de croire. Le jour s'est levé sur cette étrange idée. La vie n'est qu'une journée et la mort qu'une nuit. La vie n'est qu'une journée. Bonjour tout le monde, bienvenue, bon réveil et bonne semaine sur Espace. Il est 9h pile, vous êtes dans l'After Morning, en plein cœur de Louviers comme partout en Normandie. On démarre avec les infos. L'essentiel de l'actualité, Philippe Fournier. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a déclaré hier dimanche que la France n'a de leçon à recevoir de personne sur le dossier des migrants, car elle est le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année, en réplique bien sûr aux critiques de Rome sur la position française. Le mini-sommet organisé par 16 pays européens pour parler justement politique migratoire n'a pas accouché d'un accord comme prévu. 10 personnes liées à l'ultra-droite ont été arrêtées dans divers lieux de France ce week-end. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé des attaques contre des musulmans. La sénatrice